Chapitre 15. Un matin, le facteur de Chavernay apporta une lettre au vieux peintre. Celui-ci examina l'enveloppe datée de Paris. « C'est de Henri, » se dit-il, et s'asseyant sur le banc de pierre où il avait si souvent causé avec son élève, il brisa le cachet et lut cette longue confession. « Mon cher maître, un événement inattendu a traversé ma vie. Un changement profond s'est accompli en moi. Longtemps j'ai marché seul comme un illuminé. Je restais étranger à tout ce qui séduit ordinairement les hommes. Mon âme se développait seule. Ma bête s'est lassée et s'est révoltée contre l'autre. Elle a voulu sa part de sensations et de plaisir. L'autre a résisté, la lutte a été longue. Tout homme renferme, hélas, ses éléments de lutte. Pour moi, je croyais avoir pour jamais réduit la matière quand une inconnue s'est trouvée sur mon passage. J'étais troublé par son regard qui semblait dire « Moi aussi, j'ai le cœur épris de tendresse. » Je comprends tout ce que tu souffres. Ne cherche pas plus loin. Si je ne réalise pas ton rêve, je le comprendrai du moins. Viens, et nous marchons ensemble. La vie te semblera plus belle, et quand tu pleureras, tes larmes se noieront dans les miennes. Elles se sécheront sous mes baisers, et tu reposeras ta tête sur mes genoux quand tu seras fatigué de la lutte. Il m'a semblé alors que ma chimère était renfermée dans cette femme. Je l'ai serrée dans mes bras, la brisée, croyant faire jaillir l'âme cachée derrière la chair palpitante. Ça a été un moment de folie. Ma tête s'est perdue sous une violente poussée de mes sens. Un grand déchirement s'est produit en moi. Sans doute, vous vous demandez quelle est la femme qui a pu troubler ainsi ma vision. C'est une jeune Syrienne de 17 ans, nommée Souleyma, fille d'un marchand de curiosités levantines. Peut-être, quand vous connaîtrez l'idole, ne comprendrez-vous pas le culte. Rien ne s'était révélé à elle avant notre rencontre. Son âme neuve n'avait jamais vibré. Qui sait ce que j'en pourrais tirer? Tout dépend de la façon dont j'en ferai jouer les cordes. Qu'est-ce qu'un violon? Un instrument. Mettez côte à côte le violon de Stradivarius et un autre marqué Tédor. Le vulgaire fixera sa vue et ses désirs sur ce dernier. L'artiste arrivera, il repoussera l'instrument superbe, mais incapable de rendre son juste, et s'armera du pauvre violon. Il en caressera les cordes, et l'instrument sensible frémira et rendra des sons tour à tour doux, tendres ou passionnés. Il jettera à l'air des cris joyeux comme un chant de rossignol, ou pleurera sous l'archet comme un matin d'automne sur les feuilles jaunies. Chacun se sentira ému, saisi, charmé, jusqu'au moment où l'artiste cessera d'évoquer l'âme de l'instrument. Le monde regardera le violon redevenu muet, que rien dans sa forme ne désignait d'abord à ses yeux. Et s'étonnera. Il voudra y toucher, et l'instrument ne rendra plus qu'un son discordant. Il pourra profaner le bois dont il est fait, mais son âme lui échappera. Ainsi, ce qui, dans les mains du profane, n'est qu'un morceau de bois, peut devenir sous le souffle de l'artiste quelque chose de mystérieux et de céleste. Voilà pourquoi, si profonde que soit ma chute, je ne crois pas avoir complètement perdu l'idéal. Je le retrouverai dans Souleyma. J'en ferai jaillir la flamme qui vivifie. Elle deviendra pour moi une de ces parfaites incarnations de l'art où la pensée maîtresse se révèle et j'y puiserai mon génie. J'achève en ce moment une Salammbô pour le prochain salon. Elle est belle. Souleyma en a posé l'ensemble. J'espère, mon cher maître, que vous viendrez à Paris pour apporter l'absolution à votre élève et assister à sa première bataille. À bientôt, Henri d'Ivray. Le vieux Job fut vivement impressionné par la lecture de cette lettre. Cette brusque irruption d'une femme dans la vie de Henri lui semblait présager un malheur. Ce n'était plus des aspirations sentimentales comme celles que lui avait inspirées Marthe, mais une liaison réelle. Le maître se reprocha amèrement d'avoir laissé partir pour Paris celui qu'il appelait son enfant. Le sauverait-il de là? Pourrait-il briser ce premier lien? Qu'est-ce que les représentations d'un vieillard auprès des désirs suggérés par la passion? Il réfléchit longuement à tout cela, se demandant comment il allait répondre. Il ne pouvait pas se montrer dur devant ce grand enfant, impressionnable à l'excès. Il ne voulait pas, le premier, porter une ombre sur son bonheur et discuter sa liaison. Tout en songeant, il revint à l'esprit le souvenir d'un de ses camarades de Rome, tombé en route, lui aussi. « Il faut que je conte à Henri l'histoire de ce malheureux, » se dit-il. « Cela ne pourra l'affliger, et lui inspirera peut-être de salutaires réflexions. » Y prenant dans son carton une feuille de papier jauni qu'il plia en deux, Job écrivit « Mon cher enfant, je vous avouerai d'abord que votre lettre m'a profondément surpris. Je vous croyais bien cuirassé par le souvenir de Mareuil. Il restait, paraît-il, un défaut à la cuirasse, puisque vous avez été touché. Vous devez être sincèrement aimé, et je me reprocherai de troubler votre bonheur. Votre liaison ne vous réservera donc, je l'espère, rien qui ne soit heureux. Il n'en est pas toujours ainsi. J'en ai connu qui, pour s'être alanguis aux côtés d'une femme, ont vu leur esprit s'endormir pour toujours. Et puisque vous m'avez parlé de violon vibrant sous la main d'un artiste, permettez-moi de vous conter l'histoire d'un ami de ma jeunesse. Il était musicien. Il notait tous les susurrements de la nature, les frissons des eaux et des bois. Un jour de mai, il entendit un chant si doux passer dans les arbres gonflés de sève qu'il l'appela la divine chanson. C'était la première effluve d'amour. Il chercha à en ressaisir les notes sur son violon d'Amsterdam. Quittant le pays où il était né, il descendit les bords du Rhin, rêva près du lac de Genève, s'enfonça dans les Alpes et visita successivement Rome, Naples et Florence sans retrouver le chant qu'il cherchait. Les sapins, pas plus que les chênes, les palmiers, pas plus que les sapins, ne redisaient la divine chanson. Il vint à Venise écouter le chant des gondoliers et celui de la diva Francesca. Rien. Un soir, comme il passait près du porche d'une église, il vit une jeune fille assise sur les marches à la mode des Lazzaroni. Il s'en approcha. Elle était accoudée sur le marbre et regardait le papillotage d'argent que les étoiles répandaient sur les lagunes. Mon ami contempla ses yeux noirs et il sentit le feu s'allumer sous son front. Des frissons montèrent sur son échine maigre d'artiste et s'agenouillant, comme un être ivre ou hanté, il prit son violon et en joua. Dès les premiers sons, le musicien se sentit rempli de bonheur. Il avait retrouvé la divine chanson. Il la voyait, la déchiffrait dans les yeux de la jeune fille qui subissait le charme de la céleste harmonie. Quelques mois plus tard, ils étaient à Pouzol, dans un nid d'oranger et de laurier rose. Les jours coulaient doucement. Ils s'aimaient, ils aimaient le soleil, la mer, les fleurs. Si quelquefois le baiser devenait morsure, elle ne laissait pas plus de traces que le sillon d'argent tracé par l'aile d'une mouette sur les eaux bleues. Le soir, quand la brise tiède entrait dans leur nid et les enivrait de son souffle parfumé, ils s'étendaient sous les lauriers roses. Lui cherchait dans les yeux de son ami et redisait sur son violon la divine chanson. Un soir, étant assis près d'elle, il lui sembla que ses yeux étaient troublés. Il n'y voyait plus aussi nettement la divine partition. Son violon ne donnait plus le ton juste. Il fit quelques accords, déposa un baiser plus long que de coutume sur les lèvres de sa bien-aimée et retrouva son chant d'amour. Mais les yeux de la jeune fille ne se mouillaient pas, ils se troublaient de plus en plus. Enfin, une nuit, il chercha vainement son génie dans le regard de sa maîtresse. Il ne vit qu'une marque rose sur son épaule, plus blanche que de coutume, et pourtant il ne se souvenait pas d'avoir mis un baiser à cette place. Mon ami saisit son violon et en effleura doucement les cordes, mais rien ne vibra plus dans son cher compagnon. Il le pressa plus tendrement de la soie de son archet. Le violon rendit un son plaintif, comme un soupir d'agonie, et les cordes se brisèrent avec un bruit sec qui résonna lugubrement. L'âme de son violon s'était envolée avec celle de son ami. Il ne restait qu'un corps de femme et un instrument banal. Lui se mit à pleurer. Il pleura longtemps son génie, puis il s'enfuit bien loin de la femme qui le lui avait pris. Quand vous irez en Italie, on pourra peut-être vous montrer encore une sorte de bohémien sordidement vêtu. Armé de deux petites branches de laurier dont il se sert comme d'un violon, il passe ses journées au pied d'un ex-voto. Tandis qu'il frotte l'une contre l'autre ses branches de fleurs, les yeux fixés sur la Madone dans une sorte d'extase, il semble entendre quelque musique céleste. Quand on s'arrête près de lui, il vous prend la main et vous dit doucement « Écoutez la divine chanson ». Puis il se met à rire, d'un rire terrible. Il est fou. Je ne vous conte point cette histoire pour attrister votre cœur, mais pour que vous songiez parfois qu'il est imprudent de regarder uniquement l'idéal à travers les yeux d'une femme, comme de puiser toute sa science dans un seul livre. À une certaine heure, les yeux, comme le livre, peuvent se fermer et vous faire perdre à jamais la vision géniale et la source du talent. Que Dieu vous garde de pareilles douleurs et vous conserve à l'affection de votre vieil ami. À vous, Job. Cette lettre fut bien sentie par Henri, mais l'impression en fut vite effacée. Il était tout entier à son tableau. Il mettait la dernière main à sa Salammbô, car le salon approchait. Souléma se réjouissait déjà à la pensée de voir la toile admirée par le public. À ses yeux, rien ne pouvait surpasser l'œuvre de son ami. Il aurait les honneurs du salon carré et de la simèse. Il obtiendrait la médaille et serait mis hors concours. Tout cela ne faisait pour elle aucun doute. Sa joie fut tout à coup effacée par une mauvaise nouvelle. Son père était mort de la fièvre en débarquant à Beyrouth. Son chagrin fut profond. Elle se demanda si ce n'était pas la punition de sa faute, la vengeance du ciel, lui reprenant son père pour qu'il ne la retrouvât pas impure et folle de son corps. Henri partagea sa peine et s'efforça de la consoler par toutes sortes de délicates tendresses. « C'est parce que ton père devait être enlevé, lui disait-il, que la Providence n'a pas voulu te laisser seule en ce monde, sans un être pour te protéger et t'aimer. Tu as tout perdu, mais ne suis-je pas là pour te consoler et te rattacher à la vie ?» Elle l'écouta, se serra contre lui, et désormais partagea complètement sa vie. La vieille servante prit aussi sa place à l'atelier. Le lien était désormais bien serré.